إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد, chers auditeurs, on se retrouve ce soir pour terminer ensemble la lecture et l'explication du livre intitulé « Notre devoir vis-à-vis des ordres d'Allah » qui est l'œuvre de l'imam, le grand savant de l'islam, Muhammad ibn Sulayman al-Tamimi rahimahullah ta'ala. Nous avons vu dans les cours précédents que l'auteur rahimahullah ta'ala nous a expliqué qu'il est de notre devoir, vis-à-vis de chacun des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, se trouvant dans son noble livre, ou dans la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, d'accomplir cette chose. Et nous avons vu que la première est d'apprendre, de savoir quels sont les ordres d'Allah, car celui qui ignore ne pourra pas s'y soumettre. La deuxième chose est d'aimer les ordres d'Allah. La troisième est d'avoir la volonté d'agir, se décider à les mettre en pratique. La quatrième est la mise en pratique de cet ordre. La cinquième est que cet ordre soit accompli conformément à ce qui est légiféré, c'est-à-dire sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala et conformément à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Puis la sixième, que nous avons vue hier, est d'avoir peur et de s'éloigner de tout ce qui pourrait annuler cette œuvre. On voit donc que même après l'accomplissement de l'œuvre, il y a encore certaines choses à faire. Et tu dois encore prendre garde à ne pas commettre certaines choses qui pourraient te faire perdre la récompense de tes œuvres. Enfin, la septième et dernière chose qu'il a mentionnée est le septième degré, est de rester ferme sur la vérité. Il a dit, rahimahullah, « Al-martabatu sabi'a, al-thabatu ala al-haq » La septième chose ou le septième degré et de persévérer sur la vérité, de rester ferme sur la vérité. Et la peur d'avoir une mauvaise fin. Chacun d'entre nous doit avoir dans son cœur cette peur d'avoir une mauvaise fin. Et nul parmi nous ne peut prétendre en être à l'abri. Il nous dit, rahimahullah, liqawlihi sallallahu alayhi wa sallam, inna minkum man ya'malu bi'amali ahli al-jannah. وَيُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ Il y en a parmi vous qui œuvrent des œuvres des gens du paradis. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'en apparence, leurs œuvres montrent qu'ils feront, inshallah ta'ala, partie des gens du paradis. C'est-à-dire qu'ils voient en apparence un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils font la prière, qu'ils s'acquittent de la zakat, qu'ils donnent des aumônes, qu'ils jeûnent, qu'ils font le pèlerinage et la umra, qu'ils sont bons envers leurs parents, bons envers leur voisinage, et ainsi de suite parmi les formes de bien qui font partie des œuvres des gens du paradis. Puis, ils terminent par des œuvres des gens de l'enfer. Avant sa mort, il œuvre certaines œuvres des gens de l'enfer. Il faiblit, délaisse la vérité, et tombe dans des choses qui le mène au feu de l'enfer, wal'iyadu billah. L'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit, وَهَذِهِ أَيْضًا مِنْ أَعْظَمِ مَا يَخَافُ مِنْهُ الصَّالِحُونَ Et ceci également fait partie des choses les plus graves que craignent les gens vertueux. On a vu dans le cours d'hier que les gens vertueux, ils craignent que leurs œuvres soient vaines. On a vu comment les compagnons, radiyallahu anhum, craignaient pour eux-mêmes l'hypocrisie, et ainsi de suite. Et également les vertueux, ils craignent d'avoir une mauvaise fin. Ils ne se sentent pas à l'abri. Ils sont conscients que tant qu'ils sont vivants, ils n'ont rien gagné. Mais la réussite ne s'obtient qu'en mourant sur le bien et la vertu. Comme Yaqub recommanda à ses fils, lorsqu'il leur dit « Et ne mourrez qu'en pleine soumission ». C'est cela qu'espère tout croyant, et ce qu'il craint le plus est de mourir dans une autre situation que celle-ci. Nul parmi nous ne doit penser que sous prétexte qu'il est musulman, ou qu'il suit la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a compris la voie à suivre, que sa place au paradis est gagnée. Tant que tu es dans ce bas monde, tu es en danger. Et le fait de craindre la mauvaise fin va t'aider à faire les causes pour éviter de dévier et rester ferme sur la vérité. L'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit « وَهِيَ قَلِيلٌ فِي زَمَانِنَا » Et ceci est rare à notre époque. « فَالتَّفَكُّرِ فِي حَالِ الَّذِي تَعْرِفُ مِنَ النَّاسِ فِي هَذَا وَغَيْرِهِ يَدُلُّكَ عَلَى شَيْءٍ كَثِيرٍ تَجَهَلُ وَاللَّهُ أَعْلَمْ » Le fait de méditer sur la situation de ceux que tu connais parmi les gens, à ce sujet et autres, t'indiquera beaucoup de choses que tu ignores. Et Allah est plus savant. C'est-à-dire qu'en méditant sur la situation des gens dont tu as connaissance, tu verras que certaines personnes peuvent être un temps sur la droiture, puis ensuite dévier du droit chemin, wa l'ayadu billah. Donc la septième chose qui t'incombe vis-à-vis des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de persévérer sur la vérité, de persévérer sur la soumission à cet ordre et de persévérer sur le délaissement des péchés, afin de rester droit sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'au jour de ta mort. Le noble compagnon, Sufyan ibn Abdillah al-Thaqafi radiyallahu anhu, est un jour venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit « Dis-moi au sujet de l'islam, une parole au sujet de laquelle je n'interrogerai nul autre que toi. » Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui répondre « Dis, j'ai foi en Allah, puis maintiens-toi sur la voie de la droiture. » Il ne suffit pas de dire « j'ai foi en Allah », mais il faut après cela que tu te maintiennes sur le chemin de la droiture, que tu restes ferme sur la vérité, que tu restes ferme sur cette religion et que tu veilles à la mettre en pratique au quotidien. Beaucoup de personnes, lorsqu'elles accomplissent certaines œuvres, elles se lassent rapidement. Elles ont du mal à rester fermes. Il se peut qu'elles accomplissent une œuvre quelques jours, puis qu'elles la délaissent, en raison de la faiblesse de la foi ou des tentations, parmi les tentations de ce bas monde, ou autre cause pouvant pousser la personne à dévier du droit chemin. Donc lorsque tu t'attaches à une chose de la religion, veille à persévérer sur celle-ci et ne la délaisse pas. Et tu dois toujours avoir dans ton cœur cette crainte que les délaissements d'une œuvre te poussent à en délaisser une autre, puis une autre, puis une autre, et ainsi de suite. C'est pour cela que les savants disent que les œuvres surérogatoires, en plus de l'ensemble de leurs bienfaits, sont pour toi comme une protection qui vont te préserver du délaissement des œuvres obligatoires. En effet, celui qui n'accomplit que ses obligations, prenons l'exemple de la prière, et qui se contente du minimum, 5 prières obligatoires par jour, et qui n'ajoute rien à cela, s'il faiblit, il se peut qu'il en vienne à délaisser une de ses obligations. Alors que celui qui, en plus de ses 5 prières obligatoires, il accomplit une multitude de prières surérogatoires, il accomplit ses rawatib, il accomplit la prière de la matinée, Salat al-Duha, il accomplit la prière de nuit, et ainsi de suite parmi les prières surérogatoires. Si un jour il vient à faiblir, ce qu'il délaissera sera un acte surérogatoire. Il sera ainsi préservé du délaissement de ses obligations. C'est pour cela qu'il faut faire les causes pour rester ferme sur cette religion. Et parmi ces causes, multiplier les œuvres de bien comme on va le voir par la suite, Inch'Allah ta'ala. Donc le musulman, il doit avoir peur de la mauvaise fin. Et l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous a mentionné ce hadith. L'un d'entre vous accomplit des œuvres parmi les œuvres des gens du paradis, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus entre lui et le paradis qu'une coudée. Il s'en approche, puis il se fait devancer par ce qui était écrit, et il œuvre des œuvres des gens de l'enfer, puis il y entre. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Imaginez-vous une personne passer toute sa vie en apparence sur le bien, sur l'islam, sur la sunna, sur la prière, les zakats, les aumônes, le jeûne, et ainsi de suite parmi les œuvres de bien, puis clôturer sa vie par des œuvres de mal parmi les œuvres des gens de l'enfer. Il n'y a pas de doute que ceci est un échec. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver et de nous raffermir sur la vérité. Toutefois, mes frères et sœurs, notez bien que ce genre de déviance en est préservé celui qui est sincère. et celui qui veille à la pureté de son cœur. En effet, on trouve dans une des narrations du hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'un d'entre vous accomplit des œuvres des gens du paradis d'après ce qui apparaît aux gens. » C'est-à-dire que ces œuvres sont des œuvres des gens du paradis en apparence. Lorsque les gens le voient, ils le pensent vertueux. Ils ne pensent de lui que du bien. Mais son cœur est corrompu. Il se peut qu'il ait de mauvaises intentions, qu'il accomplisse de nombreuses œuvres par ostentation. Ou il se peut alors qu'il ne fasse preuve de piété qu'en public, et que lorsqu'il est seul, il soit le plus pervers des gens, walayadu billah. Et on a vu hier le danger des péchés commis lorsque la personne se retrouve seule, et que ces péchés peuvent mener à la réduction en poussière des œuvres du serviteur. Donc, comme on l'a mentionné dans le cours d'hier, tu ne dois pas te contenter d'œuvrer, mais tu dois veiller en parallèle de cela à la purification de ton cœur, à purifier tes intentions, afin que ces œuvres soient des œuvres de bien, qu'elles soient acceptées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'elles soient une cause pour toi de fermeté sur la vérité. Et médite, comme l'auteur rahimahullah ta'ala nous le dit, sur les nombreuses personnes que l'on peut voir dévier, après avoir été des années sur la sunna. Combien sont ceux qui empruntent le chemin de la droiture, accomplissent des œuvres de bien, accomplissent peut-être même des œuvres que d'autres n'arrivent pas à accomplir en raison de la faiblesse de leur foi. Puis après, à certains temps, tu les vois rebrousser chemin, délaisser la voie de la droiture, ou voire même délaisser l'islam, wal'iyadu billah. Et ils reviennent, et ils se remettent à commettre des œuvres des gens de l'enfer. C'est pour cela que nos pieux prédécesseurs, rahimahumallahu ta'ala, ils craignaient la mauvaise fin. Et celui qui craint d'avoir une mauvaise fin, il verra toujours être dans les œuvres de bien. Car tu ne sais pas quand viendra ta fin. Tu ne sais pas quand tu vas mourir. Il se peut que tu meurs dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Mais il se peut aussi que tu meurs dans quelques instants. Donc celui qui a conscience de cela, il va tout faire pour s'écarter constamment des péchés et des mauvaises actions. Et il va tout faire pour être constant dans le bien et les bonnes actions. Espérant que ses derniers mots dans ce bas monde soient « La ilaha illallah ». Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui dont la dernière parole est « La ilaha illallah », il entrera au paradis. Mais est-ce que vous pensez que c'est toute personne qui pourra prononcer cette parole au moment de sa mort? Combien sont ceux à mourir subitement? Combien sont ceux à mourir dans les péchés et les mauvaises actions? Combien sont ceux à mourir dans l'insouciance? Donc pour rester ferme sur la vérité et espérer avoir une bonne fin, il faut faire des causes. Et parmi les causes les plus immenses et les plus importantes, il y a l'invocation. Que tu te tournes sans cesse vers Allah subhanahu wa ta'ala pour l'invoquer. Car c'est lui qui administre tout dans cet univers. Donc si tu souhaites avoir une bonne fin et rester ferme sur la vérité, invoque-le constamment. Comme le faisait notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comme nous le rapporte Salama radiallahu anha, qui nous dit que l'invocation que faisait le plus souvent le prophète sallallahu alayhi wa sallam était d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en ces termes. « Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. »« Ô toi qui retournes les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. » Salama radiallahu anha dit alors: « Ô messager d'Allah, pourquoi fais-tu souvent cette invocation ?» Elle s'interroge. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui répondre: « Ô Salama, il n'y a pas un homme, c'est-à-dire un être humain, homme ou femme, il n'y a pas un homme sans que son cœur ne se trouve entre deux des doigts d'Allah. Celui qu'il veut, il le maintient droit. Et celui qu'il veut, il le fait dévier. Les cœurs de chacun d'entre nous se trouvent entre deux des doigts d'Allah. Et celui qui reste sur la droiture ne persévère sur cette voie que par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que tu dois sans cesse l'invoquer. Et telle était l'habitude des serviteurs pieux qui nous ont précédés. Comme on le trouve dans le Coran, comme au verset 8 de Surat Ali Imran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Ô notre Seigneur, ne laisse pas dévier nos cœurs après que tu nous aies guidés. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a guidés. Donc on lui demande de nous préserver de la déviance. et accorde-nous ta miséricorde. C'est toi certes le grand donateur. » Et les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, wa radiyallahu anhum, avaient très bien saisi cela. Et c'est pour cela qu'ils demandaient également à Allah subhanahu wa ta'ala de les raffermir et de les faire mourir sur l'islam. L'imam Malik rahimahullah ta'ala a rapporté d'après Nafi' que ce dernier a écouté Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, ce noble compagnon, le fils de Umar ibn al-Khattab. Il l'a écouté invoquer Allah subhanahu wa ta'ala alors qu'il se trouvait sur le mont Safa. Et il disait, « Oh Allah, tu as certes dit, invoquez-moi, je vous répondrai. » Comme dans le verset, « وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ » Et votre Seigneur a dit, « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Donc il dit, « Oh Allah, tu as certes dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Et tu ne manques jamais à ta promesse. Et je te demande, comme tu m'as guidé à l'islam, de ne pas le retirer de moi jusqu'à ce que tu me donnes la mort alors que je suis soumis, alors que je suis musulman, que je suis sur cette religion. De la même manière qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a guidés à l'islam, on doit lui demander de ne pas nous priver de ce bienfait, de ne pas nous le retirer et de ne nous faire mourir que sur cette religion. Et ceci est d'une grande importance. De sans cesse invoquer Allah subhanahu wa ta'ala afin de rester ferme sur cette religion. Parmi les causes également, il y a le fait de s'attacher fermement à cette religion. De se cramponner au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et à la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et de veiller à les mettre en pratique. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre au sujet du Qur'an, « فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى » Puis, si jamais un guide vous vient de ma part, alors quiconque suit mon guide ne s'égarera pas et ne sera pas malheureux. Ne s'égarera pas. Et ceci est le verset 123 de Surat Taha. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma a dit au sujet de ce verset, Allah a garanti à quiconque suit le Coran qu'il ne s'égarera pas ici-bas. Celui qui suit le Coran, il ne s'égarera pas ici-bas. Et il ne sera pas malheureux dans l'au-delà. Donc le guide mentionné dans le verset, c'est le Coran. Et si tu suis le Coran, tu ne t'égareras pas ici-bas. Tu resteras ferme sur la vérité. Et donc, tu ne seras pas malheureux dans l'au-delà. Bi'inillahi ta'ala. Et dans le célèbre hadith, rapporté par Al-Irbad ibn Sa'ariya radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque parmi vous vivra verra de nombreuses divergences. » Puis il nous a donné le remède et la solution pour se préserver de l'égarement lors de l'apparition des divergences. « Quiconque parmi vous vivra verra de nombreuses divergences. Accrochez-vous donc à ma sunna et à la sunna des califes bien guidés après moi. » On voit donc que pour rester ferme, il est indispensable de se cramponner au Coran et à la Sunnah, de les suivre, de les mettre en pratique, conformément à la compréhension de nos pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala. Également parmi les causes pour rester ferme sur la vérité, il y a la multiplication des bonnes actions et des œuvres de bien. Car celui qui connaît la religion et ne la met pas en pratique, il ne fait aucun doute qu'il risque de s'égarer. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre, au verset 66 de Surat An-Nisa, وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُعَذُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَذْبِيتًا. S'ils avaient fait ce à quoi on les exhortait, s'ils avaient mis en pratique, cela aurait été certainement meilleur pour eux et ils auraient été plus affermis. Ils auraient été plus fermes sur leur foi, en mettant en pratique ce qui leur a été ordonné. Beaucoup de gens, malheureusement, on les exhorte, on leur fait le rappel, on leur expose la vérité avec les preuves du Coran et de la Sunnah, mais ils ne mettent pas en pratique. Ils écoutent des rappels, ils écoutent des cours, ils lisent des livres, ils apprennent ce qui leur incombe, mais ils ne mettent pas en pratique. Ils s'obstinent à transgresser les interdits et à délaisser les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est une cause de faiblesse dans la foi, pouvant les mener au délaissement de la vérité. Wal'iyadu billah. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi dans son noble livre, verset 27, لسورة إبراهيم، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Allah affermit les croyants par une parole ferme dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Allah affermit ceux qui ont cru, ceux qui ont eu la foi. Et qu'est-ce qui est visé par la foi? Est-ce que la foi, c'est simplement une prétention? Ou simplement une chose se trouvant dans le cœur? Non. Ce qui est visé par la foi, c'est celle de laquelle découlent les œuvres pieuses et les actes d'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Car la foi est croyance du cœur, parole de la langue et acte des membres. Elle augmente par l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, elle diminue par la désobéissance à Allah. Donc c'est cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fermé, ici-bas et dans l'au-delà. Enfin, parmi les causes également, te permettant de rester ferme sur la vérité et de ne pas dévier du droit chemin et de persévérer dans les œuvres de bien, il y a le fait de bien t'entourer, de prendre des compagnons pieux, des compagnons vertueux, des gens qui s'entraident avec toi dans le bien et la piété, des gens qui te font le rappel lorsqu'ils te voient dévier, des gens qui t'encouragent lorsqu'ils voient que tu es pris de paresse, qui t'aident lorsque tu es faible, qui te rappellent à l'ordre lorsque tu fais un faux pas, qui veillent à te conseiller à être loyaux envers toi. C'est cela que tu dois prendre pour ami, non pas ceux qui se taisent sur tes défauts, ceux qui font preuve de complaisance, ceux qui ne te blâment jamais et qui ne te rappellent pas à l'ordre. Ceux-là, ce ne sont pas de bons amis. Et pire encore, ceux qui voudraient t'appeler au péché, aux mauvaises actions, à la distraction, à l'insouciance, à la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. De cela, tu dois t'éloigner, aussi proche soit-il. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son noble livre, « وَاسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِ يُرِيدُونَ وَجْهَا. Fais preuve de patience en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant sa face, sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala. Fais preuve de patience en restant avec eux. » L'imam Sa'di rahimahullah ta'ala a dit dans l'explication de ce verset qu'il contient l'ordre de fréquenter les gens de bien et de lutter contre son âme pour les fréquenter, se mêler à eux, même s'ils font partie des pauvres. C'est-à-dire même si tu ne tires aucun profit d'eux. Car il y a dans leur fréquentation des bénéfices indénombrables. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné un très bel exemple au sujet de la bonne et de la mauvaise compagnie. Comme le rapportent les imams al-Bukhari et Muslim rahimahumallahu ta'ala, d'après Abu Musa al-Ash'ari, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'exemple du bon et du mauvais compagnon est celui du vendeur de parfums et du forgeron. Le vendeur de parfums, soit il t'en donne, soit tu lui en achètes, soit tu vas trouver de lui une odeur agréable. Tandis que le forgeron, soit il brûle tes habits, soit tu trouves de lui une mauvaise odeur. » Ceci est l'exemple du bon et du mauvais compagnon. Le mauvais compagnon, il va te nuire. Au minimum, tu vas trouver de lui une mauvaise odeur. Il va t'influencer dans le mal. Il se peut qu'il te pousse au péché, à la désobéissance, aux mauvaises actions. Alors que le bon compagnon, il est comme un vendeur de parfums. Vendeur de parfums, il se peut qu'il t'en donne. Il se peut que tu lui en achètes. Ou alors, au minimum, tu vas trouver chez lui une bonne odeur. Et tel est le bon compagnon. Il te montre la voie du bien. Il te l'expose, il s'entraide avec toi dans le bien et la piété. Et il te fait le rappel s'il te voit dévier. Donc il est très important de veiller à toujours avoir une bonne compagnie. Une compagnie qui te rappelle à l'ordre. Une compagnie qui t'aide à te maintenir sur la voie de la droiture afin de ne pas dévier. Et ceci est d'une grande importance, comme vous l'avez entendu, car il se peut qu'une personne soit sur la droiture de nombreuses années, puis qu'elle meure en commettant des actes des gens de l'enfer, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Ceci était donc les sept choses qui font partie de notre devoir vis-à-vis des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, de les connaître, c'est-à-dire de les apprendre, de les aimer et de ne pas avoir de répulsion pour ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné, de se décider à agir et à les mettre en pratique, de les mettre en pratique et pas de n'importe quelle manière, mais de les mettre en pratique sincèrement pour Allah et conformément à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, prendre garde à tout ce qui pourrait être une cause d'annulation de ses œuvres et veiller à rester ferme sur l'accomplissement de ses ordres et sur la vérité. On a donc terminé, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, la lecture de cette courte épître d'une grande importance et d'un grand profit pour chacun d'entre nous. Ce qui était juste provient d'Allah subhanahu wa ta'ala, les erreurs et les manquements ne proviennent que de moi et du diable, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me pardonner. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.